le vent, et le vent, et le vent, et le vent. Et le vent qui souffle sur les ondes, qui souffle sur le DAB, le Digital Audio Broadcast, qui souffle sur toutes les ondes et les réseaux, le pinote.org, et particulièrement sur cette émission antivirus. Ce vent, c'est celui des Residents, et plus particulièrement d'un album mythique. Parmi les albums mythiques des Residents, ils ont fait que ça presque, c'est le disque Eskimo. Alors j'y viens tout de suite. En préambule, donc évidemment, bonjour à tous. Et puis ravi que ce qui au départ se destinait à être un cours, finalement, à destination de mes étudiants de l'UPJV d'Amiens, la Faculté des Arts, devienne comme ça une émission régulière et qui va s'instaurer une heure par semaine. J'ai volontairement pris une heure, c'est-à-dire pas deux, comme j'aimais le faire avant, et du coup, oh, cruel dilemme, devoir probablement trouver le mot juste et parler moins, quand bien même la baseline de cette émission, et je la dois à Dinah Bird qui l'a trouvée, et finalement je l'aime beaucoup, c'est un album, une écoute, une longue explication. L'album du jour, donc après avoir évoqué Fear of the Black Planet, Public Enemy, et puis l'histoire de Melody Nelson en deuxième semaine, ben voilà de quoi compléter un triangle isocèle quasiment parfait. L'album Eskimo des Residents. Alors un mot d'abord sur les Residents, c'est situé un petit peu quel est ce groupe, hein. C'est parmi la contre-culture américaine, un des groupes les plus mythiques et à maintes raisons. C'est un groupe qui apparaît à l'aube des années 70 et qui va officiellement commencer à enregistrer en 1973 et qui va laisser une discographie absolument impressionnante, et ça dès les 10 premières années. Les Residents, c'est un groupe qui est quand même marqué par des influences fortes et qu'ils n'hésitent pas à revendiquer, hein, parmi lesquelles on peut citer Sun Ra et puis son mythe afro-futurisme, son idée du masque et du déguisement, on va y revenir, c'est quelque chose de crucial chez les Residents, mais aussi des compositeurs comme Harry Parch, ce chercheur bidouilleur de la tonalité juste, et puis des grands allumés notoires, hein, comme Captain Beefheart, hein, le père d'un blues rock absolument caustique, Frank Zappa évidemment, et aussi Ennio Morricone, hein, parmi les grands compositeurs de musique de film. Alors, les Residents se démarquent directement en singeant les Beatles et en s'en moquant ouvertement avec la pochette d'un premier album qui fera, entre guillemets, scandale. Le visage des Beatles y apparaît totalement peinturluré, décoré de tatouages un peu tribaux, et ça met à mal le supposé mythe des Beatles. Mais les Residents, outre le fait qu'ils adorent régler leur compte avec les iconiques rock'n'roll, sont aussi des gens qui sont des têtes chercheuses, aussi bien dans leur technique de studio, de composition, que dans les thèmes qu'ils vont élaborer dans leur composition. Et à ce titre-là, Eskimo compte double Scrabble, parce qu'effectivement, c'est un concept album, c'est un disque qui est une forme de disque d'ethnomusicologie, en fait, une ethnomusicologie traduite, et très certainement, et c'est remarquable à ce point-là, un disque de musique concrète, on pourrait le dire. Mais alors, totalement désolidarisé de la musique concrète d'alors, et puis de celle qu'il a vue naître à la Maison de la Radio, hein, sous l'égide de Pierre Schaeffer et des autres, on connaît l'histoire. Non, chez les Residents, il y a bien une manipulation de la bande, le studio est clairement l'instrument, et les effets de pitch, de reverse, vont être animés à satiété dans la discographie des Residents, et vraiment de manière peut-être l'une des plus belles qu'ils aient exercées avant que finalement le synthé aille un peu dominer leur production. Il est déjà là d'ailleurs, hein. Plutôt en retrait. Mais vous allez voir que tout ce qu'on va découvrir dans l'album des Residents tient à de la manipulation acoustique absolument fabuleuse. Alors cette manipulation, pourquoi elle est fabuleuse? Parce qu'elle n'est pas strictement technique en fait. Elle est narrative. Et elle sert quoi? Elle sert la narration justement de légendes esquimaudes. Alors comment les Residents se sont amenés à être intéressés par les Esquimaux? Après tout, tous les en éloignent. Il se trouve que dans l'entourage des Residents, il y a un personnage très important qui s'appelle N. Sinada, le mystérieux N. Sinada, supposé Nigel Sinada. C'est un peu un mentor pour Nigel Sinatra. C'est celui qui a favorisé d'ailleurs la rencontre entre le guitariste quasiment attitré, hein, le comparse de toujours, en tout cas sur les 15 premières années des Residents, Snakefinger. Mais c'est aussi un philosophe, un peu un doudingue et un ethnomusicologue qui est persuadé qu'il y a un lien absolument moderne à faire entre la culture esquimaude et leur rythme, finalement, leur rituel, et la pop musique moderne. Et pour vérifier ça, Ensenada part en territoire esquimo et va enregistrer, au milieu des années 70, des bandes et des cassettes. Le travail d'ethnomusicologie d'Ensenada va être porté donc sur bande et envoyé. Et afin certainement qu'ils ne perdent pas d'ailleurs ce matériel, parce qu'on est dans des conditions assez rigoureuses, hein, c'est celle du Grand Nord et du Pôle Nord, il envoie ses enregistrements aux Residents. Donc les Residents se retrouvent comme ça avec une somme, une documentation, pas toujours d'extrême qualité d'ailleurs, mais qui compte les mythes et les croyances esquimaudes, et puis qui documente cette vie là-bas. Les Residents sont extrêmement inspirés par ça et décident non pas de retravailler à partir des bandes que va envoyer Ensenada, mais de recréer finalement par leur propre instrumentation, avec leur propre studio, les impressions, les commentaires, les légendes qui sont plus ou moins inscrites dans les cassettes envoyées par Nigel Sinatra. Donc les Residents s'y mettent. C'est un travail dantesque. C'est un travail qui va prendre plus de 3 ans aux Residents. Donc de leur avis, c'est le disque sur lequel ils ont le plus travaillé. C'est peut-être celui sur lequel ils ont le plus souffert. Il se trouve qu'entre-temps, les Residents vont avoir l'intelligence de cultiver extrêmement bien leur propre légende, distiller notamment des disques plus ou moins sous le manteau, enfin en tout cas qui n'étaient pas destinés à être commercialisés, qui le seront. Ainsi va apparaître un des disques aussi cultes des Residents, le fameux Not Available. Ah oui, pas valable, mais finalement, on le fait paraître après, et surtout dans cette interlude extrêmement importante, où il y a une création très forte des Residents, mais pas d'album strictement officiel. Ah, donc vont apparaître des 45 tours, notamment une reprise absolument iconoclaste de Satisfaction, le Satisfaction des Stones, c'est ce que j'ai besoin de le préciser, qui fait suite à l'album concept précédent et aussi assez ravageur des Residents, c'est pas des Stones, qui s'appelait Third Reich and War. Donc il y a comme ça une construction très savante, très élaborée, dans le sens où elle est truffée de clins d'œil sur l'auto-mythologie des Residents et notamment leurs emprunts au rock'n'roll et à ses grandes icônes. Mais Eskimo nous éloigne totalement de ça. Et afin de garder quand même un impact visuel assez fort, les Residents vont marquer un coup extrêmement fort avec la sortie du disque Eskimo. Encore aujourd'hui, on considère que c'est peut-être l'une des œuvres les plus difficiles des Residents. Elle est clairement peu mélodique. Et c'est difficile d'y attraper un gimmick, d'en extraire un tube, ou de reconnaître une référence, finalement empruntée aux Stones, aux Beatles ou aux autres. Par contre, le disque impose une iconographie formidable. D'abord, c'est un disque remarquable. C'est un double disque, enfin un gatefold qui s'ouvre magnifiquement. La première édition fait apparaître un disque blanc, blanc comme l'Arctique, blanc comme la neige. Les autres éditions connaîtront un vinyle plus ordinaire, mais néanmoins avec ce même contenu fantastique. Et ce contenant qui impose la signature esthétique du groupe, celle qui va finalement les identifier pendant des années et des années, c'est ce fameux tuxedo suit, c'est-à-dire ce costume, ce smoking, pour parler exactement, surmonté d'une eyeball, autrement dit un gigantesque globe oculaire, avec à son dessus un chapeau haute forme. Et ça, c'est la signature, c'est l'iconographie officielle du groupe, ça va le devenir. Parce que le groupe, il faut le dire, il faut le rappeler, vogue dans un strict anonymat. On n'a jamais vu leur visage, pas d'interview du tout, on ne connaît aucun nom à ce moment-là des Residents, l'histoire évoluera quelques années plus tard, et j'en viendrai en épilogue de cette écoute, pas moyen de savoir quoi que ce soit, y compris dans leur autobiographie ou fausse autobiographie, supposée provenance ou non provenance. Bref, les Residents entretiennent un mystère total, et finalement, la seule icône qui va paraître des Residents, c'est celle-là. C'est cette eyeball. Alors précédé quand même par des looks absolument incroyables. Hein. On les voit déguisés en espèces de militants du Ku Klux Klan, mais en fait avec des papiers journaux, des radiation suits, des combinaisons anti-radiation avec lesquelles ils vont acheter leurs courses dans le supermarché. Enfin, les images comme ça des Residents sont... Ils y vont à satiété. Ce vent derrière moi, je vous le disais, c'est celui qui va tapisser pendant l'album entier des Residents cette interprétation des contes et légendes locales donc qu'a ramené N. Sinada. Les titres d'ailleurs sont extrêmement intéressants. Hein. Ça commence avec la chasse aux morses, The Warless Hunt. Et puis ensuite, on parle d'hystérie arctique, d'un carnaval de la mort, etc. On va écouter ces contes revisités par les Residents. L'album dure 40 minutes entières. Et je me permettrai, alors ça va contredire un petit peu la formule habituelle qu'on avait initiée il y a deux semaines déjà, je vais me permettre d'intervenir probablement au milieu, entre certaines parties, pour décrire un petit peu les mythes, les contes, les légendes qui sont justement mis en action ici par les Residents. On va tout de suite commencer par cette chasse aux morses, hein, le plus souvent au kayak. L'histoire raconte finalement le départ des chasseurs, alors que les femmes, elles, restent à terre. Et traditionnellement, les femmes s'ouvrent dans une grosse corde qui est faite à partir d'une défense de narval. Et à cela s'ajoute le propre chant des femmes, qui n'est pas du tout là pour strictement décorer, en fait. C'est un signal, c'est un phare, finalement, qui permet de guider les chasseurs. C'est ainsi que s'introduit l'album Eskimo. On y reviendra petit à petit. On commence tout de suite avec donc, cette chasse aux morses, The Warless Hunt, Eskimo par les Residents, paru en 1979. Bonne écoute. Thank you. J'interviens au milieu d'un de ces contes et légendes, parce qu'il faut quand même un petit peu donner les images qu'il y a derrière là. Birth, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est un rituel de la naissance. En fait, il est absolument dramatique. Et c'est quelque chose qu'on sait peu sur les traditions esquimaudes. Mais l'organisation sociale des sociétés inuites tourne évidemment autour du chasseur. C'est le personnage le plus important de la communauté. Le chasseur, c'est un homme. Et évidemment, c'est toujours un homme. En conséquence, la vie d'une femme a moins de valeur. Et il n'est pas rare qu'à la naissance, des bébés-filles soient tuées, rituellement tuées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas certaines d'être nourries par leurs parents ou portées par la communauté. Donc l'interprétation des residents qu'on vient d'avoir, là, des bandes de Ensenada et ce rituel parle directement de ça. C'est un véritable drame de la naissance. C'est l'histoire d'un enfant qui est retiré à la femme qui vient d'accoucher. Et alors ce rituel se fait par d'autres femmes qui vont rentrer dans la chambre. Et on les entend psalmodier ces chants en emportant l'enfant, alors que bien sûr on devine un petit peu les pleurs d'enfants et ceux de la mère qui, quand il arrive, reste accablé, quand bien même il s'agit de sacrifier un enfant pour la survie de la société. Un autre phénomène, et c'est celui qui va être immédiatement mis en exergue dans ce disque des Residents, c'est l'hystérie arctique, Arctic Hysteria. Et c'est un phénomène qui survient en général en plein hiver, quand l'obscurité règne partout. Et est-ce qu'on s'en étonnera, principalement chez les femmes? De fait, un lien est évident, évidemment, avec le morceau qu'on entendait avant et puis ce drame de la naissance. Et là, ce qu'on va entendre décrit clairement un cas de possession. Et in fine, cette fois-ci, c'est les hommes de la tribu qui vont entourer la femme possédée et la sauver, finalement, en chantant un chant de libération très très fort. On entendra « Shukarok, Shukarok, Shukarok », voilà, jusqu'à ce que la femme puisse finalement enfin reprendre possession de ses moyens. Thank you. Au cœur de cette société arctique, la plus rude, celle décrite dans cet album mythique des Residents, Eskimo. Retour sur un personnage essentiel de la communauté, c'est le chaman. Le chaman chez les Esquimaux s'appelle le Angakok. Et la trace qui suit, c'est Angry Angakok, détruit aussi finalement une histoire absolument forte. Alors il faut savoir que les tribus inuites ont quand même coutume de se rassembler hein, pour des. Euh, pour des rituels. Et du coup, échanger autour des exploits de chaque société, de chaque tribu. Et en général, ce sont les exploits du Angakok qui sont narrés. Et la séquence qui suit, justement, raconte une de ces histoires les plus célèbres. C'est autour d'un rituel de chasse. Une vingtaine de chasseurs se mettent en quête d'une baleine, mais leur chemin est bloqué par les glaces. Donc l'Angakok aurait le pouvoir de retirer la glace qui bloque leur passage. Mais en fait, rien n'y fait. L'Angakok s'avère impuissant. Donc la colère gronde chez les chasseurs. Et l'Angakok est clairement défié par l'un d'entre eux. Il y a des mots hostiles qui fusent et qui sont repris par le reste des chasseurs. Vous l'entendrez tout, notamment dans ces interjections comme ça. Nek, nek, nek, nek, nek. C'est clairement à destination du chaman et l'autorité finalement en place. Parce que non, cette autorité religieuse est aussi politique, on s'en doute bien. Et de fait, l'Angakok court à la révolte, immédiatement. Il se lève devant eux, il se lève devant la masse, se dresse en un seul cri. Et sitôt qu'il crie, le ciel s'assombrit, les mers gonflent, et enfin, et seulement enfin, la glace craque. Donc, le chemin est libre, mais, et voilà un grand mais de taille, c'est un serpent de mer géant qui va se dresser devant les marins, devant les chasseurs, et dans un rugissement sourd, évidemment, le serpent de mer va emporter le chef des chasseurs rebelles, un chef des chasseurs que, bien sûr, on ne reverra plus. Ainsi, la tribu aura été punie par l'extinction de son leader révolté. Le Hungry Angakok, immédiatement, pour associer le son à cette parole. Let it leave the bad dog, eat the door. très en colère, très en colère. Mais voici que l'esprit du phoque incarné dans une femme sans femme possédait là aussi les enfants oubliés par leurs parents sur la banquise. Thank you. or bust. Big bang, big gun, big sub, big fun, or be rust. Come, come, come, come, come, come, come, come, kill some sauce. Money, money, money, money, money, money, money, money, kill some nuts. Mowgli here, Waller here, Aurora door crow. But better that, a mudlar leaves and lives without a door. Oh, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, doggy, do. Do baby do, do baby do. Oh, baby. Du rituel Eskimo avec le titre, l'album titre Eskimo des Residents. On arrive maintenant à la dernière plage et peut-être enfin celle qui laisse apparaître un petit peu de lumière dans ce concept album. Il est très dur, on y meurt beaucoup. La société Eskimo est extrêmement rigoureuse et les rituels et les contes qu'on vient d'entendre le rendent bien. Ce dernier morceau s'appelle The Festival of Death, ce carnaval de la mort. Alors malgré son titre, qui rend hommage aux disparus de l'hiver, hein, on les entendait, malgré son titre, il se veut finalement assez joyeux. C'est un rituel qui a lieu à la fin du très très long cycle de la nuit esquimaude, hein, c'est une nuit qui dure 6 mois, et elle célèbre donc l'arrivée des beaux jours, je le disais. Le rituel est assez précis d'ailleurs. Là encore, les femmes se réunissent dans un cercle, elles invoquent le soleil qui va arriver, et finalement elles supplient les morts de la nuit de lâcher prise finalement, et d'ouvrir à l'été. En ce sens-là, elles sont rejointes par les hommes qui vont à leur tour les accompagner accompagner leur chant, et là plutôt en tapant des mains. Donc on va entendre ici un des morceaux les plus rythmiques de l'album, et celui qui devient doucement le plus mélodique. Il dure une dizaine de minutes et il ferme quand même avec brio cet album, et on peut le dire avec une forme d'optimiste. Tick-tock, six-tock, so. Twirl-a-tick, turn-deck, gang-ring. Whoop, slow-a-slop, tick-tock. Coca-Cola is life. superbe conclusion et bien sûr ce vent toujours omniprésent dans ce long grimoire finalement de la tradition esquimaude revisité par les Residents. Alors, explication, révélation. D'où viennent ces bandes, les fameuses bandes de Ensenada, parties au milieu des années 70, alors bien à lui, et aller enquêter sur les traces esquimaudes. Mais qu'est-ce que c'est le pôle Nord? Qu'est-ce que c'est que les Inuits au milieu des années 70? Ben, c'est pas du tout des gens qui vont chasser le phoque et le morse. C'est des gens qui sont dans des pauvres lotissements totalement pourris qui ont été mis là par les États-Unis pour pas trop les laisser, à qui on donne de la télévision et du Coca-Cola à la société, voire de l'alcool. Donc, oui, c'est un fake. Et un gigantesque et magistral fake. Rien de cela n'est vrai. Bon, tant mieux, on n'assassine pas les bébés femelles à la naissance en terre inuite. Ça serait peut-être su davantage. Du coup, il était facile un petit peu de deviner que ça n'existe pas, parce que Nigel Sinada, finalement, n'est mentionné que dans la biographie des Residents. Et quand bien même il est supposé être quelqu'un d'important pour le groupe, il est aussi, finalement, une construction totale du groupe. Et à travers lui, les Residents, d'ailleurs, vont faire valoir les concepts forts qui vont définir leur démarche. L'une, plus particulièrement adaptée ici, est le concept de « phonetic organization », l'organisation phonétique. Et on est en plein dedans. Et elle nous dit quoi, cette organisation phonétique? Amusez-vous, éventuellement, si vous enregistrez cette émission, à repasser certains textes à l'endroit, à l'envers ou à les pitcher. Vous allez entendre des slogans publicitaires, notamment inventés par Coca-Cola ou Nike. Parce qu'effectivement, le quotidien des Esquimaux, entre guillemets, c'est d'être gavé à la télévision d'advertisements de ce genre-là. C'est probablement pas un hasard que l'album qui va suivre, celui-ci d'Esquimaux, un album qui a pris 3 ans quand même à faire, je le rappelle, c'était l'un des plus longs pour Esquimaux, va s'appeler Commercial Album. Un album supposément commercial, mais surtout un album qui fait appel au commercial, c'est-à-dire à la publicité elle-même. Et oui, et cette publicité qui est là, sous-jacente, comme un esprit conquérant finalement du peuple esquimaux dans l'album Esquimaux, va trouver effectivement interprétation totalement délirante à travers de 40 morceaux d'une minute précise et chacune sur l'album suivant. Entre-temps, les Residents, ils ne sont pas avares de légendes et il est bien possible que Cargo Cult s'offre un retour sur les Residents avec un autre album culte. Ils en ont fait à satiété. Entre-temps, entre Commercial et Esquimaux qu'on vient d'entendre, ce pied de nez assez fabuleux, puis qui va nous servir finalement de générique de fin, il s'agit de Discomo. Discomo est un maxi 45 tours qui reprend finalement les motifs d'Esquimaux, mais qui les met à la sauce, et oui, vous avez bien compris, disco. Parce que oui, les Esquimaux, les Inuits aussi, peuvent danser. Bien à vous, merci de cette écoute, à la semaine prochaine probablement.